L'Heptaméron des Nouvelles de Marguerite de Navarre, lu par Christiane Johann, septième nouvelle. Par la finesse et subtilité d'un marchand, une vieille est trompée et l'honneur de sa fille sauvée. En la ville de Paris, y avoit un marchand amoureux d'une fille, sa voisine, ou, pour mieux dire, plus aimée d'elle qu'elle n'estoie de lui. Car le semblant qui lui faisoit de l'aimer et chérir n'estoie que pour couvrir un amour plus haut et honorable. Mais elle, qui se consentoit d'être trompée, l'aimoie tant qu'elle avoit oublié la façon dont les femmes ont accoutumé de refuser les hommes. Ce marchand ici, après avoir resté longtemps à prendre la peine d'aller où la pouvoit trouver, la faisoit venir où il lui plaisoit, dont sa mère s'aperçut qu'estoit une très honnête femme, et lui défendit que jamais elle ne parlasse à ce marchand ou qu'elle la mectroie en religion. Mais cette fille, qui plus aimoit ce marchand qu'elle ne craignoit sa mère, le cherchoit plus que par avant. Et un jour advint que, estant toute seule en une garde-robe, ce marchand y entra, lequel, se trouvant en lieu commode, se print à parler à elle le plus privément qu'il estoit possible. Mais quelque chambrière qui le vint entrer dedans le courut dire à la mère, laquelle, avec une très grande colère, se hit en allant. Et quand la fille loit venir, dit en pleurant à ce marchand, « Hélas, mon ami, à cette heure me sera bien cher vendu l'amour que je vous porte. Voici ma mère qui cognostra ce qu'elle a toujours craint et doupté. » Le marchand, qui d'un tel cas ne fut point estonné, la laissa incontinent et s'en alla au-devant de la mère et, en estendant les bras, l'embrassa le plus fort qu'il lui fut possible. Et avec cette fureur dont il commençoit d'entretenir sa fille, jecta la pauvre femme vieille sur une couchette, laquelle trouva si étrange cette façon qu'elle ne savait que lui dire sinon « Que voulez-vous? Recevez-vous ? » Mais pour cela, il ne laissoit de la poursuivre d'aussi près que si ce eussent été la plus belle fille du monde. Et n'eussent été qu'elle cria si fort que ses varlets et chambérières vinrent à son secours, elles eussent passé le chemin qu'elle croignoit que sa fille marchasse. Par quoi, à force de bras, austère cette pauvre vieille d'entre les mains du marchand sans que jamais elle puisse savoir l'occasion pourquoi il la voit ainsi tourmentée. Et durant cela se sauva sa fille en une maison auprès où il y avoit des nopces, dont le marchand et elle ont maintes fois ri ensemble depuis aux dépens de la femme vieille qui jamais ne s'en aperçut. Par ceci, voyez-vous, mesdames, que la finesse d'un homme a trompé une vieille et sauvé l'honneur d'une jeune. Mais qui vous nommeroit les personnes ou qui eussent vu la contenance de ce marchand et l'estonnement de cette vieille, eussent eu grand peur de sa conscience s'ils se fussent gardés de rire. Il me suffit que je vous preuve par cette histoire que la finesse des hommes est aussi prompte et secourable aux besoins que celle des femmes, afin, mesdames, que vous ne craigniez point de tomber entre leurs mains, car, quand votre esprit vous défoldera, vous trouverez le leur preste à couvrir votre honneur. » L'Hongarine lui dit, « Vraiment, Hircan, je confesse que le conte est trop plaisant et la finesse grande. Mais si, n'est-ce pas un exemple que les filles doivent en suivre ? Je crois bien qu'il y en a à qui vous voudriez le faire trouver bon. Mais si n'êtes-vous pas si sot de vouloir que votre femme n'est celle dont vous aimez mieux l'honneur que le plaisir, vous l'eussez joué à tel jeu. Je crois qu'il n'y en a point qu'un qui de plus près les regardaste, n'est qui mieux les en gardaste que vous. Par ma foi, dit Hircan, si celle que vous dictes avoit fait un pareil cas et que je n'en eusse rien su, je l'en estimerois pas moins. Et si je ne sais si quelqu'un en a point fait d'aussi bon, dont le sait les maîtres hors de peine. » Par l'amante ne se peut garder de dire, « Il est impossible que l'homme malfaisant ne soit soupçonneux, mais bien heureux celui sur lequel on ne peut avoir soupçon par occasion donnée. » L'Hongarine dit, « Je n'ai guère veu grand feu de quoi ne vint quelque fumée. Mais j'ai bien vu la fumée où il n'y avait point de feu, car aussi souvent est soupçonné par les mauvais le mal où il n'est point que connu là où il est. » À l'heure, Hircan lui dit, « Vraiment, Hongarine, vous en avez si bien parlé en soutenant l'honneur de dame à tort soupçonnée, que vous donne ma voix pour dire la huitième nouvelle, par ainsi que vous nous fassiez point pleurer comme affecte Madame Oisille par trop louer les femmes de bien. Longarine, en se prenant bien fort à rire, commença à dire « Puisque vous avez envie que je vous fasse rire, selon ma coutume, si ne sera-ce pas aux dépens des femmes, et si dirai-je chose pour montrer combien elles sont aisées à tromper quand elles mettent leur fantaisie à la jalousie avec une estime de leur bon sens de vouloir tromper leur mari. » Huitième nouvelle. Bornet, ne gardant telle loyauté à sa femme qu'elle a à lui, eut envie de coucher avec sa chambrière et déclara son entreprince à un sien compagnon, qui, sous espoir d'avoir part au butin, lui porta telle faveur et aide que, pensant coucher avec sa chambrière, il coucha avec sa femme, au-dessus de laquelle il fait participer son compagnon au plaisir qui n'appartenoit qu'à lui seul, et se fait cocu soi-même sans la honte de sa femme. En la comté d'Alais, y avoit un gnome nommé Bornet, qui avoit espousé une honnête femme de bien, de laquelle il émoit l'honneur et la réputation, comme je crois que tous les maris qui sont ici font de leur femme, et combien qu'ils voulussent que la sienne lui gardasse de loyauté, si ne voulait-il pas que la loi fût égale à tous deux, car il alla être amoureux de sa chambrière, au change de quoi il ne gagnoit, sinon que la diversité des viandes plestes. Il avoit un voisin de pareille condition que lui, nommé Sandras, tabourin et Cousturier. Il y avoit entre eux telle amitié que, hormis la femme, n'avoit rien parti ensemble, par quoi il déclara à son ami l'entreprince qu'il avoit sur sa chambrière, lequel non seulement le trouva bon, mais aida de tout son pouvoir à la parachever, espérant avoir part au butin. La chambrière, qui ne s'y voulut consentir, se voyant pressée de tout coster, le alla dire à sa maîtresse, la priant de lui donner congé de s'en aller chez ses parents, car elle ne pouvait plus vivre en ce tourment. La maîtresse, qui émoit bien fort son mari, duquel souvent elle avoit eu soupçon, fut bien aise d'avoir gagné ce point sur lui, et de lui pouvoir montrer justement qu'elle en avoit eu doute. Dist à sa chambrière, « Tenez bon, mamie, tenez peu à peu bon propos à mon mari, et puis après lui donnez assignation de coucher avec vous en ma garde-robe. Et ne faillez à me dire la nuit qu'il devra venir, et gardez que nul n'en sache rien. » La chambrière fait tout ainsi que sa maîtresse lui avoua commandé, dont le maître fut si aise qu'il s'en alla faire la feste à son compagnon, lequel le pria, vu qu'il avoit testé du marché, d'en avoir le domorant. La promesse faite et l'heure venue, s'en alla coucher le maître, comme il cuit doit, avec sa chambrière. Mais sa femme, qui avoit renoncé à l'autorité de commander pour le plaisir de servir, s'estoit mise en la place de sa chambrière et reçut de son mari non comme femme, mais feignant la contenance d'une fille estonnée, si bien que son mari ne s'en aperçut point. Je ne vous saurais dire lequel est-toi plus aise des deux, ou lui de penser tromper sa femme, ou elle de tromper son mari. Et quand il eut de mourir avec elle, non selon son vouloir, mais selon sa puissance, qui sans toi le vieil marié, s'en alla hors de la maison, où il trouva son compagnon, beaucoup plus jeune et plus fort que lui, et lui fait la feste d'avoir trouvé la meilleure robe qu'il avoit point vue. Son compagnon lui dit « Vous savez que vous m'avez promis. Allez donc vistement, dit le maître, de peur qu'elle ne se lève ou que ma femme ait affaire d'elle. » Le compagnon s'y en alla et trouva encore cette mesme chambrière que le mari avoit messe connue, laquelle, cuidant que ce fût son mari, ne le refusa de choses que lui demandaste, j'entends demander pour prendre, car il n'osoit parler. Il y demeura bien plus longuement que non pas le mari, dont la femme s'esmerveilla fort, car elle n'avait point accoutumé d'avoir telle nuitée. Toutefois, elle eut patience, se réconfortant aux propos qu'elle avoit délibérés de lui tenir le lendemain et à la moquerie qu'elle lui fera recevoir. Sur le point de l'aube du jour, cet homme se leva d'auprès d'elle et, en se jouant à elle au partir du lict, lui arracha un gnanot qu'elle avoit au doigt, duquel son mari l'avoit espousé, chose que les femmes de ce pays gardent en grande superstition et honorent fort une femme qui garde tel anneau jusque à la mort et au contraire si par fortune le père elle est désestimée comme ayant donné sa foi à autre que à son mari. Elle fut très contente qu'il lui ostaste, pensant qu'il soit roi sur témoignage de la tromperie qu'elle lui avoit faite. Quand le compagnon fut retourné de vers le maître, il lui demanda, et puis il lui répondit qu'il estoit de son opinion et que, s'il n'eût craint le jour, encore y fussent-ils de mourir. Ils se vont tous deux reposer le plus longuement qu'ils purent, et au matin, en s'habillant, aperçut le mari l'anneau que son compagnon avoit au doigt, tout pareil de celui qu'il avoit donné à sa femme en mariage, et demanda à son compagnon qui le lui avoit donné. Mais quand il entendit qu'il l'avoit arraché du doigt de la chambrière, fut fort étonné et commença à donner de la teste contre la muraille, disant « Ah, vertu Dieu, me serois-je bien faite cocu moi-même, sans que ma femme en sût rien ?» Son compagnon, pour le réconforter, lui dit « Peut-être que votre femme baille son anneau en garde au soir à sa chambrière. » Mais sans rien répondre, le mari s'en va à sa maison. Là où il trouva sa femme plus belle, plus gorgiase et plus joyeuse qu'elle n'avoit accoustumée, comme celle qui se réjouissait d'avoir soulevé la conscience de sa chambrière et d'avoir expérimenté jusqu'au bout son mari sans rien y perdre que le dormir d'une nuit. Le mari, la voyant avec ce bon visage, dit en soi-même « Si elle savoit ma bonne fortune, elle ne me feroit pas si bonne chère. » Et en parlant à elle de plusieurs propos, la print par la main et advisa qu'elle n'avait point l'anneau, qui jamais ne lui partoit du doigt, dont il devint tout transi et lui demanda, en voix tremblante, « Qu'avez-vous fait de votre anneau ?» Mais elle, qui fut bien aise qu'il la mectoie aux propos qu'elle avoit envie de lui tenir, lui dit « Oh, le plus méchant de tous les hommes, à qui est-ce que vous le cuidez à voir osté ? Vous pensiez bien que ce fut à ma chambrière, pour l'amour de laquelle avait despendu plus de 2 parts de vos biens, que jamais vous ne fêtes pour moi, car à la première fois que vous y êtes venu coucher, je vous ai jugé tant amoureux d'elle qu'il n'estoit possible de plus. Mais après que vous fûstes sailli dehors, et puis encore retourné, semblois que vous fussiez un diable sans ordre ni mesure. Oh malheureux! Pensez quel aveuglement vous a prince de louer tant mon corps et mon embonpoint, dont par si longtemps avait été jouissant, sans en faire grande estime. Ce n'est donc pas la beauté ni l'embonpoint de votre chambrière qui vous a fait trouver ce plaisir si agréable, mais c'est le péché infâme de la vilaine concupiscence qui brûle votre cœur et vous rend tous les sens si ébestés que par la fureur en quoi vous mectoie l'amour de votre chambrière. Je crois que vous eussiez prince une chèvre coiffée pour une belle fille. Or, il est temps, mon mari, de vous corriger et de vous contenter autant de moi en me connoissant vostre et femme de bien que vous avez faite pensant que je fusse une pauvre méchante. Ce que j'ai faite a été pour vous retirer de vostre malheureté, afin que sur vostre vieillesse nous vivions en bonne amitié et repos de conscience. Car, si vous voulez continuer la vie passée, j'aime mieux me séparer de vous que de voir un jour en jour la ruine de votre âme, de votre corps et de vos biens, devant mes yeux. Mais, s'il vous plaît cognoistre votre fausse opinion, et vous délibérez de vivre selon Dieu, gardant ses commandements, j'oublierai toutes les fautes passées, comme je veux que Dieu oblie l'ingratitude à ne l'aimer comme je dois. » Qui fut bien désespéré, ce fut ce pauvre mari, voyant sa femme tant sage, belle et chaste, avoir été délaissée de lui pour une qui ne l'aimoit pas, et qui pisait, avoir été si malheureux que de la faire méchante sans son seu, et que faire participant un autre au plaisir qui n'estoit que pour lui seul, se forgea en lui-même les cornes de perpétuelle moquerie. Mais, voyant sa femme assez courroucée de l'amour qu'il la voit porter à sa chambrière, se garda bien de lui dire le méchant tour qu'il lui avoit fait, et, en lui demandant pardon, avec promesse de changer entièrement sa mauvaise vie, lui rendit l'anneau qu'il la voit reprince de son compagnon, auquel il pria de ne révéler sa honte. Mais, comme toutes choses dictes à l'oreille, sans prêcher sur le toit, quelque temps après la vérité fut connue, et l'appeloit en cocu sans honte de sa femme. Il me semble, mesdames, que si tous ceux qui ont fait de pareilles offenses à leurs femmes, estoient punis de pareilles punitions, Hircan et Saffredant devraient avoir belle peur. Saffredant lui disent, et de à Longarine, n'y ont-ils point d'autre en la compagnie mariée que Hircan et moi? Si à bien, disent-elles, mais non pas qui vous le sisse jouer un tel tour. Où avez-vous vu, disent Saffredant, que nous ayons pour chasser les chambrières de nos femmes? Si celle à qui touche, disent Longarine, vouloir dire la vérité, l'on trouvera bien un chambérieur à qui l'on a donné congé avant son quartier. Vraiment, se disent Géburon, vous êtes une bonne dame qui, en lieu de faire rire la compagnie, comme vous aviez promis, mectez ces deux pauvres gens en colère. C'est tout ingue, disent Longarine. Mais qu'ils ne viennent point à tirer leurs espées, leur colère ne fera que redoubler notre rire. Mais il est bon, disent Hircan, que si nos femmes voulaient croire, ceste dame, elles brouilleroient le meilleur mesneige qui soit en la compagnie. Je sais bien devant qui je parle, disent Longarine, car vos femmes sont si sèches et vous aiment tant que, quand vous leur feriez des cornes aussi puissantes que celles d'un daim, encore voudroient-elles persuader elles et tout le monde que ce sont chapeaux de rose. La compagnie et mesme ceux à qui elle touchoient se prindre tant à rire qu'ils mirent fin à leurs propos, mais Dagoucin, qui encore n'avoit sonné mot, ne se peut tenir de dire « L'homme est bien déraisonnable quand il a de quoi se contenter et veulent chercher autre chose, car j'ai vu souvent, pour cuider mieux avoir et ne se contenter de sa suffisance, que l'on tombe au pis et si n'est long pointe plainte, car l'inconstance est toujours blasmée. » Simonteau lui dit, mais que ferez-vous à seuls qui n'ont pas trouvé leur moquetier? Appelez-vous inconstance de la chercher en tout lieu où l'on peut la trouver? Pour ce que l'homme ne peut savoir, dit Dagoucin, où est ceste moquetier dont l'union est si esgale que l'un ne diffère de l'autre, il faut qu'il s'arreste où l'amour le contraint, et que pour quelque occasion qu'il puisse advenir ne change le cœur de la volonté, car si celle que vous aimez est tellement semblable à vous et d'une mesme volonté, ce sera vous que vous aimerez et non pas elle. Dagoucin, dit Hircan, vous voulez tomber en une fausse opinion, comme si nous devions aimer les femmes sans être aimées. Hircan, dit Dagoucin, je veux dire que si notre amour est fondé sur la bonté, bonne grâce, amour et faveur d'une femme, et notre fin soit plaisir, honneur ou profit, l'amour ne peut longuement durer, car si la chose sur quoi nous la fondons défaut, notre amour s'envole hors de nous. Mais je suis ferme à mon opinion que celui qui aime, n'ayant autre fin ni désir que bien aimer, laissera plutôt son âme par la mort que ceste fort amour s'aille de son cœur. Par ma foi, dit Simonteau, je ne crois pas que jamais vous ayez été amoureux, car si vous aviez senti le feu comme les autres, vous ne nous peindriez ici la chose publique de Platon qui s'escrit et ne s'expérimente point. Si j'ai aimé, dit Dagoucin, j'aime encore et aimerai tant que je vivrai. Mais j'ai si grand peur que la démonstration fasse tort à la perfection de mon amour que je crains que celle de qui je devrais désirer l'amitié semblable l'entende, et mesme je n'ose penser ma pensée de peur que mes yeux en révèlent quelque chose, car tant plus je tiens ce feu scellé et couvert, et plus en moi croisse le plaisir de savoir que j'aime perfectement. Oh, par ma foi, dit Géburon, si ne crois-je pas que vous ne fussiez bien aise d'être aimée. Je ne dis pas le contraire, dit Dagoucin, mais quand je serai tant aimée que j'aime, si n'en saurai croître mon amour, comme elle ne saurai diminuer pour n'être si très aimée que j'aime fort. Alors, par l'amante, qui soupçonnait ceste fantaisie, lui dit, donnez-vous garde, Dagoucin, j'en ai vu d'autres que vous qui ont mieux aimé mourir que parler. Cela, madame, dit Dagoucin, estimai-je très heureux. Voir, dit Saffredant, est digne d'être mis au rang des innocents desquels l'Église chante « Non loquendo, sed moriendo confessi sunt ». J'en ai ouï tant parler de ces transis d'amour, mais encore jamais j'en vais mourir un, et, puisque je suis échappé, veu les ennuis que j'en ai portés, je ne pensais jamais que autre en puisse mourir. Ah, s'affredant, diste d'Agoussin, où voulez-vous donc estrémer, puisque ceux de votre opinion ne meurent jamais? Mais j'en sais assez bon nombre qui ne sont morts d'autres maladies que d'aimer parfaitement. Oh, puisque en savez des histoires, diste Longarine, je vous donne ma voix pour nous raconter quelque belle qui sera la neuvième de ceste journée. Afin, diste d'Agoussin, que les signes et les miracles, suivant ma véritable parole, vous puissent induire à y adjuster foi, je vous alléguerai ce qui advint il n'y a pas 3 ans.